Umberto Tozzi sur RGM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 4 mars 1941, naissance d'Adrian Lyne, réalisateur britannique à qui l'on doit Flashdance, 9 semaines et demie ou encore Liaison fatale. 1947, naissance de Nicole Calfan, actrice française vue entre autres dans Borsalino, La vérité si je mens 2 et 3 dans le rôle de Suzy Boutboul. En 2018, vue dans Guy d'Alex Lutz où elle interprétait Stéphane Madani. 1952, naissance d'Umberto Tozzi, chanteur et compositeur italien. 1957, naissance de Catherine O'Hara, actrice canadienne, vue dans Beetlejuice dans le rôle de Delia Dietz, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion dans le rôle de Kate McAllister. 1960, naissance de Thierry Pastor, chanteur français. 1963, naissance de Jason Newsted, bassiste américain du groupe Metallica entre 1986 et 2001. Et on écoute un extrait du titre « Nothing Else Matters ». Voilà pour l'extrait de Metallica. Allez, on continue. 1968, naissance de Patsy Kensit, actrice britannique vue en 1974 dans Gatsby le Magnifique dans le rôle de Pamela Buchanan, vue également dans L'Arme Fatale 2 dans le rôle de Rika Van Den Haas. 1973, naissance de Len Wiseman, réalisateur, scénariste, producteur américain, réalisateur d'Underworld 1 et 2, Die Hard 4, Retour en Enfer, Total Recall, Mémoire Programmée, scénariste d'Underworld 1, 2, 3, d'Underworld Nouvelle Ère et producteur d'Underworld 2 et 3, Underworld Nouvelle Ère et Underworld Blood Wars. 1984, naissance de Juliette Armanet, chanteuse française. 1986, naissance d'Alexis Boeuf, ancien biathlète français, ayant fait carrière de 2006 à 2014. Au championnat du monde, il compte 3 médailles d'argent et une de bronze, toutes remportées en relais et en relais mixte. En Coupe du Monde, il compte une médaille d'or, une d'argent et deux de bronze. Il est maintenant consultant télé. 1984, 1988, naissance de Joshua Bowman, acteur britannique, connu pour son rôle de Daniel Grayson dans la série télé Revenge. Et en 2019, décédé Luke Perry, acteur américain. Et oui, ça fait déjà un an que Dylan McKay de Beverly Hills nous a quittés. Et on l'avait connu également dans la série Riverdale, plus récemment, dans le rôle de Fred Andrews. Allez, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, on va faire un point sur les sorties cinéma. Vous pouvez retrouver le programme du cinéma Le France sur notre page Facebook avec également une question pour tenter de gagner une place. Elle est un petit peu plus compliquée cette semaine. Allez, on commence avec le film En avant. C'est un film d'animation de Dan Scanlon. On continue avec De Gaulle, un film historique biopic de Gabriel Le Bowman avec Lambert Wilson, Isabelle Carré ou encore Olivier Gourmet. Autre film, Papy Sitter, comédie de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal ou encore Camille Aguilar. Autre film, Mono, un drame d'Alejandro Landes avec Julian Nicholson, Moises Ayres ou encore Sofia Buenaventura. Autre film d'animation et dernier film, c'est Les Petits Contes de la Nuit. Voilà pour les sorties cinéma d'aujourd'hui. On va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec eh bien, le coup de folie de Thierry Pastor. Folie, c'est pas fini, folie. voilà, c'était le coup de folie de Thierry Pastor sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h46 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui, il y aura principalement des nuages avec un petit peu de soleil, de la pluie à prévoir en soirée, des températures comprises entre 2 et 3 degrés ce matin, entre 6 et 8 degrés pour cet après-midi. Pour jeudi, ce sera de la pluie avec du vent, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévues pour demain après-midi. Et vendredi, on passera la journée encore sous la pluie, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 5 et 7 degrés prévu pour vendredi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Tennis à Lyon, le duel franco-français entre Mladenovic et Paquet a tourné à l'avantage de Mladenovic qui s'est qualifié en 3-7. En revanche, élimination de Burel en 2-7 face à Tekman et élimination de Parmentier en 3-7 face à Kazatkina. Aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Giorgi, Garcia sera opposé à Bonaventure et Dodin à Minola. Et à noter qu'au challenger d'Indian Wells, Lucas Pouille s'est incliné pour son retour à la compétition. Un mot de basket avec les résultats de la NBA, l'équipe de Brooklyn de Luau Cabarro s'est imposée cette nuit après prolongation face à Boston, 120 à 129, 16 points pour le français. Et l'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée 114 à 123 face à Toronto, 3 petits points pour le français. Un mot de football avec la Ligue des Nations. Hier soir a eu lieu le tirage au sort. La France sera dans le groupe 3 avec le Portugal, la Suède et la Croatie. Et ce soir, c'est Coupe de France, Lyon à PSG. Un mot de biathlon, c'est bientôt l'étape de Novemiesto. Hein, la première épreuve, ce sera demain. Et bien, côté féminin, à noter que Marthe Holzbu-Reuseland, la grande gagnante des championnats du monde, sera absente lors de cette étape. Elle est malade. Elle espère être de retour pour l'étape suivante à Contiolahti. Mais avec cette absence à Novemiesto, celle qui loupera le sprint et la mass start avait encore quelques chances de, pourquoi pas, remporter le gros globe de cristal. Et bien avec cette absence à Novemiesto, elle fait une croix définitivement sur le gros globe. Et on termine avec une information en cyclisme qui est tombée hier soir. L'ancien coureur Nicolas Portal est décédé hier à 40 ans d'une crise cardiaque. Après sa carrière de cycliste, il était devenu directeur de sportif de chez Sky, puis Ineos. Allez, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Juliette Armanet et le titre « Je te sens venir » qui est l'adaptation en français du titre « I feel it coming ». Sans détour et sans atour, voilà, j'aimerais faire l'amour toute la nuit, tout le jour, l'amour avec toi. C'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect, mais j'aimerais faire l'amour, l'amour avec toi. Sous la pluie, mon cœur coule tout contre ton corps, et nos destins s'enroulent, non j'en veux encore. Sous la pluie, mon cœur roule tout contre ton cœur. Oui, nos destins s'enroulent, n'en aie pas peur. Je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir. En moi, je te sens venir. Je te sens venir, je te sens venir en moi. Sans détour, oh mon amour, dire que ça dure toujours, toutes les nuits, tous les jours, toujours avec toi. C'est peut-être un peu complexe, sans doute un peu circonflexe, mais je ne veux plus faire l'amour, l'amour qu'avec toi. Sous la pluie, mon cœur roule tout. entre ton cœur et nos destins s'enroulent. N'en aie pas peur, je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir. Je te sens venir, viens, je te sens venir, je te sens venir. En moi, I feel it coming, I feel it coming, I feel it coming, I feel it coming. Et voilà, c'était Juliette Armanet sur RGM. Il est pile 8h52. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. On se retrouve à 10h avec les Jones de Saint-Amé, de l'IME de Saint-Amé. 20h, ce sera Nothing But The Blues. Et 21h, la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.